Chapitre 8e. Au coup de midi, Edme et M. de la Louvière revinrent de l'usine. « Eh bien, lâcheur, » dit le verrier à Clément, « vous nous avez faussé compagnie. Inutile de vous excuser, je comprends que vous ne partagez pas le goût de votre frère pour les sciences industrielles. Lui, il a le feu sacré. Il est même très fort en chimie et en mécanique. Et je crois que nous nous entendrons tous les deux. Après déjeuner, nous comptons retourner à la verrerie pour la visiter de la cave au grenier. Mais rassurez-vous, monsieur l'artiste, on ne vous imposera pas une nouvelle corvée. Pendant que votre aîné s'initiera à tous les détails de la fabrication, Colette vous pilotera dans la forêt, où vous trouverez certainement à exécuter quelques croquis que ma fille gardera précieusement, en souvenir de votre passage à Futau. Ainsi, c'est entendu, nous vous donnons compo jusqu'au souper. » Dès que le déjeuner fut terminé, Edme et le verrier reprit lentement le chemin de l'usine. Colette, qui s'était éclipsée un moment, reparut, vêtue d'une robe courte, guêtrée jusqu'au-dessus des chevilles et coiffée d'un chapeau de paille. « Êtes-vous prêt, mon cousin ? » dit-elle en brandissant crânement une canne de cornouiller. « Alors, en route. Et surtout, n'oubliez pas votre album. Je vais vous montrer les plus jolis coins de notre domaine forestier. » Laissant derrière eux la vallée de Bièmes, ils suivirent dans la direction du hameau de Bellefontaine une sente sablonneuse qui les conduisit rapidement sous bois. Ils marchèrent d'abord silencieusement, un peu embarrassés, Clément surtout, de ce tête-à-tête en pleine solitude. Le cadet des Courouvres était encore étourdi de la tournure imprévue qu'avaient prise depuis la veille les incidents du voyage. N'ayant jusque-là vécu intimement qu'avec Edme, Monique et quelques bruyants camarades de collège, il éprouvait une joie mêlée de soudaine timidité à cheminer côte à côte avec cette jolie cousine dont la veille au matin, il ignorait même l'existence. Ce brusque changement dans son genre de vie le ravissait et le confondait à la fois. Secrètement ému, il emboîtait docilement le pas derrière sa compagne. Celle-ci gravissait avec la légèreté d'une chèvre les pentes abruptes du défilé, en se retournant par intervalles pour encourager du reste le jeune homme ou lui indiquer un raccourci. Clément, plus que jamais en disposition romanesque, la contemplait émerveillée et n'était pas éloigné de la prendre pour une féerique dryade, en train de le guider parmi les mystérieuses solitudes de son royaume enchanté. Quand ils eurent atteint l'extrême crête de la gorge boisée, Colette s'arrêta, sourit et murmura. « Regardez, est-ce beau ?» Du plateau où ils arrivaient, et où commençait la haute futaie, on dominait les rampes feuillues des ravins et des combes. À travers les hêtres, une lumière argentée filtrait sur les ramures de toute essence qui revêtaient les pentes des défilés. Bouleaux frissonnants, néfliers noueux, ombelles rouges des sorbiers, frondaisons déhouées des tilleuls. De toutes parts, des remous de verdure ondulaient, roulaient, s'épandaient en cascades, et parmi leurs vagues profondes, des masses de clématites sauvages balançaient leurs houppes soyeuses ainsi que des flocons d'écume. Parfois, du fond de ces abîmes de feuillets, des glouglous de ruisseaux chantaient, pareils à des flûtes invisibles, et de clairs gazouillés de rouge-gorge se mêlaient aux frais susurrements de l'eau. « Vous avez raison, » s'exclama Clément. « Cette mer verdoyante a une attirante beauté. On voudrait s'y plonger comme dans un bain. » Ses regards extasiés allaient alternativement de la houle profonde des feuillets à la charmante figure de sa cousine, et il était difficile de deviner ce qu'il admirait le plus, de la grâce du paysage ou de celle de Colette. La jeune fille était trop clairvoyante pour ne pas s'apercevoir de la prédilection avec laquelle les yeux de Clément s'arrêtaient en fin de compte sur son mignon visage. Elle en fut secrètement flattée, un peu gênée aussi, et détachant son regard de celui de son cousin, elle murmura. « Continuons notre promenade. J'ai encore beaucoup d'autres belles choses à vous montrer. » Ils pénétrèrent ensemble dans une longue avenue herbeuse qui fuyait parmi les futaies. En cet endroit, la forêt devenait d'une magnificence quasi auguste. Bordée de frênes élancées, de chênes robustes et de hêtres majestueux, l'allée s'enfonçait à perte de vue dans une lumière assourdie. Au long des fossés, les lauriers de Saint-Antoine. Dans le gazon, les petites centaurées ouvraient leurs étoiles roses. Les derniers papillons d'été, grands nacrés fauves ou moriaux aux ailes frangées de bleu, traversaient l'allée d'un vol horizontal. Pas d'autre bruit que de confus bourdonnements d'insectes, ou parfois la chute d'un grand mur. Çà et là, les hêtres se doraient déjà, et inclinaient sur les talus leurs flexibles branches chargées de faines aux capsules rousses. L'odeur anisée des bois à l'approche de l'arrière-saison s'exhalait dans l'air tiède et enveloppait les deux jeunes gens de son arôme légèrement capiteux. tout en savourant pleinement les délices de ce vagabondage en forêt, il demeurait silencieux. Fier de son rôle de guide, Colette marchait un peu en avant et se bornait à de brèves indications, n'osant pas trop s'abandonner à son humeur expansive, mais souhaitant in petto que son compagnon rompît le premier la glace. Malheureusement, ce dernier persistait dans sa timidité et sa gaucherie de collégien. Il se reprochait au fond son mutisme et se disait « Elle doit me trouver parfaitement sot ». Il grillait d'entrer en conversation avec son attrayante cousine. Seulement, il ne savait par où commencer et se taisait en pestant contre lui-même. Il se rattrapait en jetant des regards émerveillés sur sa jolie conductrice et la tête pleine de souvenirs poétiques. Il la comparait mentalement à Diane Chasseresse ou à la Rosalinde de Shakespeare errant dans la forêt des Ardennes. Elle, souriante, lui, pensif, ils étaient arrivés à un carrefour en étoiles. L'une des avenues rayonnantes dévalait en pente douce sur un versant très touffu. « Prenons par là, » dit Colette. « Je vais vous mener dans un endroit qui est mon reposoir favori. En été, j'y viens souvent lire ou travailler. On y a son gré de l'ombre ou du soleil et par une échappée, on aperçoit Bellefontaine. Nous nous y assierons, et si vous voulez dessiner, vous n'aurez que l'embarras du choix pour exécuter un croquis. » Au bout d'un quart d'heure de descente, ils entendirent dans le fourré le glou-glou cristallin d'une source et s'engageant par une sente oblique dans un fouillis de branches qu'ils regimbaient parfois traîtreusement au visage. Ils parvinrent à une sorte de plateforme gazonneuse surplombant ainsi qu'un balcon au-dessus du taillis. Une haute roche de grès surmontée de charmes et de tilleuls s'adossait au versant boisé. La source s'y était creusée un réservoir tapissé de scolopendres et mi-voilé par des lierres tombants. Elle s'en échappait, sonore, se frayait un lit minuscule parmi l'herbe, et se déversant ensuite dans le vide, arrosait de gouttelettes scintillantes les feuilles qui croissaient touffues au-dessus de l'entablement. En face, s'ouvrait un large couloir de verdure, au fond duquel surgissaient les toitures moussues des premières maisons de Bellefontaine. Le site était intime, noyé dans l'ombre et la fraîcheur, embaumé de l'odeur des menthes, égayé par la musique de l'eau ruisselante. Pour en achever la sylvestre beauté, les baies des aubiers, des ronces et des framboisiers, les aigrettes des reines des prés et les corymbes des derniers chèvrefeuilles piquaient dans les anfractuosités de la roche des notes rouges, blanches, bleuâtres ou couleur de chair. « C'est la fontaine au charme, » expliqua Colette. « Avouez qu'elle est bien nommée et mérite d'être illustrée par un dessin. » En même temps, elle enlevait son chapeau et trempait voluptueusement ses mains dans la source. Décoiffée, les bras emperlés de gouttes d'eau, les joues rosées par la course, les yeux brillants, elle se tenait debout contre la roche et souriait. « Oui, » répliqua Clément enthousiasmé, « je vais immédiatement me mettre à la besogne. Seulement, ma cousine, dans ce cadre choisi à souhait, c'est vous-même qu'il faudrait dessiner. Voulez-vous ? Si je veux, s'écria-t-elle, je crois bien. Comment dois-je me placer ? Restez où vous êtes, appuyez au rocher parmi ces retombées de chèvrefeuilles. Là, maintenant, ne bougeons plus. » Il s'était assis sur une grosse pierre à 10 pas de la jeune fille et commençait déjà à crayonner sur son album. Jamais il n'avait eu à sa disposition un aussi séduisant modèle, et il se sentait en verve, heureux de pouvoir contempler à son aise la svelte et mignonne figure qui posait devant lui. Il étudiait avec délice les pures lignes du visage, les délicates inflexions du cou, la souplesse des contours. Dans la pénombre des tilleuls, la lumière tamisée enveloppait comme une caresse le jeune corps de Colette. Tout autour, une paix profonde régnait. On était bercé par la susurrante musique de l'eau et un peu grisé aussi par l'amoureuse haleine des chèvrefeuilles. Mademoiselle de la Louvière n'osait plus parler, mais elle obéissait docilement aux brèves indications de l'artiste. Parfois, ses regards se croisaient avec ceux que Clément, ravi, attachait complaisamment et longuement sur elle. Alors, une subite rougeur colorait ses joues, et elle éprouvait un trouble jusque-là inconnu, mais qui lui était très doux. Par une sorte de magnétique correspondance, Clément ressentait cette même émotion troublante. Pendant une minute, son crayon demeurait immobile entre ses doigts et une molle langueur coulait dans ses veines. Ainsi, à leur insu, les deux cousins subissaient innocemment cette insinuante incantation du premier amour qui remue les jeunes cœurs et monte à la tête pareil à un subtil et suave parfum de la vigne en fleurs dans les nuits de juin. Au bout d'une heure, Clément releva le front et murmura « Voilà, ce n'est pas ce que j'aurais désiré, mais je sens qu'en voulant trop finir, je gâterai tout. Peut-on voir ?» interrogea timidement Colette. « On peut, » répondit-il. Il lui présenta l'album et attendit avec un sourd battement de cœur le résultat de l'examen. La physionomie de Mademoiselle de la Louvière s'épanouit. « Oh, dit-elle, c'est tout à fait réussi. Vous êtes un vrai artiste, mon cousin. » « Alors, reprit-il, mon dessin ne vous paraît pas trop mauvais? Et vous aurez du plaisir à le regarder? Vous me le donnez ? » demanda-t-elle, ravie. « Naturellement, il vous appartient de droit. Oh, que je suis contente et que je vous remercie !» Rouge de joie, avec un élan de reconnaissance ingénue, elle lui tendit la main et Clément, avec la même spontanéité, baisa tendrement les doigts de sa cousine. « Puisque mon croquis vous plaît, hasarda-t-il, puis-je en échange solliciter une grâce ? Laquelle ? Votre père ne paraît pas approuver notre projet d'aller à la découverte de l'or de Chèvrechêne. Promettez-moi, si l'affaire revient sur le tapis, de plaider ma cause et d'obtenir de M. de la Louvière qu'il nous aide dans nos recherches. » Vous tenez donc beaucoup à ce trésor, répliqua Colette avec une pointe de raillerie. Aimeriez-vous l'argent, monsieur l'artiste ? D'abord, dans notre situation, l'argent viendrait fort à point. Mais ce n'est pas cela qui me tente. L'aventure a un côté romanesque qui me séduit, et je voudrais la poursuivre jusqu'au bout. Eh bien, soit. Je vous promets d'être votre avocate. Et par surcroît, ajouta-t-elle gaiement, je vais vous offrir à goûter. En même temps, elle fourrageait parmi les buissons enchevêtrés autour du rocher et y cueillait de ci de là des mûres noires et des framboises vermeilles qu'elle déposait sur une large feuille de bardane. Pour ne pas être en reste, Clément se mettait en devoir de dépouiller de leurs noisettes les coudriers du voisinage. Tout à coup, il poussa un triomphant cri de surprise. « La voici enfin, je l'ai dénichée, la balsamine sauvage !» Il montrait à Colette une touffe de plantes noueuses et feuillues, aux sommités desquelles tremblaient de fragiles fleurs aux éperons d'or. Il détacha les tiges les mieux fleuries et les offrit à sa cousine. « Vous m'avez porté chance, » continua-t-il, « il est juste que vous ayez les prémices de ma trouvaille. »« Merci, » repartit-elle en piquant les balsamines dans son corsage. « Décidément, la journée aura été heureuse pour tout le monde, et cette trouvaille est d'un bon augure pour votre voyage à Chèvrechêne. Maintenant, monsieur le chercheur de trésors, daignez goûter à mes framboises. » Ils s'assirent côte à côte et dégustèrent les fruits mûrs amoncelés dans la feuille de bardane. Cette fois, la glace était fondue. La fontaine, la bien nommée, avait opéré son charme. Quand, au soleil couchant, les deux promeneurs redescendirent vers la vallée de Bièmes, ils devisaient familièrement et cœur à cœur en écoutant les angélus lointains tintés dans le crépuscule.